Chapitre 2e. L'avenue des Tilleuls, qui sera mieux nommée l'impasse des Tilleuls, ne compte pas encore aujourd'hui parmi les plus belles de Montmartre. Mais alors, elle était des plus modestes. Deux maisons, un mur et des palissades, au fond, une grille en fer la fermant. L'une de ces maisons avait eu, au moment de sa construction, des prétentions à l'élégance. Mais elle n'était plus qu'une bicoque, suant la malpropreté et la misère. Elle se composait d'un corps de bâtiment à trois étages avec deux ailes formant pignon sur l'impasse. Mais malgré ces trois étages et ces deux ailes, elle n'avait rien d'important, ni rien de décent, ni rien d'élégant. Elle se tenait, voilà tout, et c'était déjà beaucoup pour elle. En la regardant, on se demandait pour quel usage elle avait pu être construite, et tout ce qu'on voyait était si bien en désaccord qu'on ne trouvait pas de réponse à cette question. Pour le moment, c'était une maison de location dont les trois étages étaient divisés en petits logements et en chambres, et dont le rez-de-chaussée était occupé par un marchand de vin à la boutique peinte en rouge sang de bœuf. Sur cette peinture, on lisait « cuisine bourgeoise, pain et liqueur, bouillon, bœuf », et sur des écriteaux accrochés au vitrage de la porte et de l'unique fenêtre, « 20 à 40 et à 50 centimes, eau de Sels ». Ce n'était point par cette boutique qu'on entrait dans la maison, mais par une petite porte verte percée dans un mur bas et qui ouvrait sur une étroite cour. Qui pouvait demeurer là? En regardant les fenêtres, on voyait tout de suite que les locataires ne se souciaient ni du soin ni de la propreté. Au vitrage, des rideaux en cotonnade rouge ou verte décolorée. Sur les appuis, des chaussures usées, des sabates, des pots ébréchés. Seule une de ces fenêtres, au troisième étage, sous le toit en tuiles, avaient les rideaux en mousseline blanche, propres et bien repassés. Ils étaient relevés par des rubans bleus qui servaient d'embrasse, et ils laissaient voir, d'un côté une petite cage avec un serin, de l'autre un magnifique chat angora blanc et gris. Au terme d'octobre, avant cet hiver-là, un monsieur, un vrai monsieur, à l'air distingué et jeune encore, malgré ses 50 ans, élégamment vêtu, ou tout au moins prétentieusement à la mode, qui régnait 20 ans auparavant, était venu louer une chambre dans cette maison, à côté de cette coquette fenêtre. Grand avait été l'étonnement du marchand de vin, qui faisait fonction de concierge, en voyant ce monsieur visiter cette chambre avec soin et en discuter le prix. « Est-ce que c'est pour monsieur ?»« Oui, un pied-à-terre quand je viens à Paris, pour coucher seulement. » Et avec un denier à Dieu de 40 sous, il avait donné son nom, M. Passereau. Il n'y avait pas à aller au renseignement. Il habitait la province, Orléans. Il venait à Paris très irrégulièrement pour ses affaires. Quelquefois, il y faisait de longs séjours. Quelquefois aussi, il s'absentait pendant plusieurs mois. La vie d'hôtel le fatiguait, et pour une chambre qu'il habitait peu, il trouvait inutile de payer un gros loyer. C'était de l'argent perdu. Au bout de quelques jours, il était arrivé avec ses meubles, ou mieux, son seul meuble, un lit. Mais un beau lit en palissandre sculpté, qui révélait d'anciennes splendeurs et offrait une garantie plus que suffisante pour le terme de 3 mois, qui était de 27,50 francs. Ce simple pied-à-terre était devenu une habitation définitive, que M. Passereau ne quittait tous les jours que vers 1 ou 2 heures de l'après-midi pour descendre à Paris. Sans doute c'était pendant l'été qu'il faisait ces longues absences dont il avait parlé. Nulle part il n'est permis d'être mystérieux. Et si l'on ne veut pas provoquer les bavardages des gens, il faut s'arranger pour se rendre inaperçu. Or, ce n'était pas le cas de M. Passereau. D'une stature imposante, la tête belle et forte, les épaules larges, la taille fine, comme si elle était prise dans un corset, il marchait dégagé, le nez au vent, en se cambrant et en faisant sonner ses talons. C'eût été déjà bien assez que cela dans une maison où l'on n'entendait guère traîner que des chaussons ou claquer des sabots. Mais ce n'était pas tout. Il y avait la toilette, et elle était remarquable, telle que, quand on l'avait vue une fois, on en rêvait. Un chapeau de soie de forme haute et à bord large retroussé, posé légèrement sur l'oreille, une redingote bleue boutonnée serrée, très serrée à la taille, une cravate en satin raide soutenant le menton, un pantalon gris à sous-pieds fortement tendu par des bretelles, enfin, pour les jours de froid, un long par-dessus en étoffe de limousine doublé en velours noir, formant retroussé au col et aux manches, qui était large comme celle d'une robe d'avocat. Monsieur Passereau. Ce nom ne disait rien et n'était pas pour satisfaire la curiosité. Il ne recevait pas de lettres. Personne ne venait le voir. Quand le marchand de vin, poussé par les voisins, l'avait questionné, ça avait été inutilement. Quant au locataire, qui avait eu plus d'une fois envie d'engager la conversation avec lui en le rencontrant dans l'escalier, il n'avait jamais osé contenter leur envie. Il avait une manière de regarder les gens de haut, qui vous tenaient à distance. Avec cela, poli, cependant, saluant tout le monde de la maison, les hommes d'un signe de tête, les femmes en soulevant son chapeau. On avait interrogé sa blanchisseuse, mais elle n'avait pu dire que peu de choses. Et ce peu de choses était plutôt de nature à faire travailler les imaginations qu'à les contenter. Ses chemises, en toile très belle mais usée, avaient une marque extraordinaire qu'elle ne connaissait pas. Deux lettres enlacées, difficiles à distinguer, avec un dessin au-dessus. Ses mouchoirs et ses serviettes de toilette n'étaient pas marqués du tout. Les lettres enlacées et le dessin montré à une brodeuse avaient été reconnus pour un P et un M. Le dessin était une couronne de comte. PM, cela ne présentait pas de difficulté. Passereau, Michel, Marc ou Martin. Mais la couronne de comte avait mis les cervelles à l'envers. On avait discuté, disputé. Les plus sages avaient insinué que la brodeuse n'en savait peut-être pas autant qu'elle le prétendait, car enfin, on avait beau dire, un comte est un personnage. Tout cela n'était-il pas extraordinairement mystérieux? Où allait-il de 2 heures à minuit? On l'avait suivi, sinon pendant tout ce temps. Personne dans l'avenue des Tilleuls n'avait ce loisir, au moins à sa sortie. En descendant la rue Lepic, il marchait vite comme s'il était pressé ou bien s'il craignait d'être vu. Mais arrivé à la rue Blanche qu'il prenait toujours, il ralentissait et se redressait. Les yeux à 15 pas devant lui, la poitrine portée en avant, la main gauche sur la hanche, il semblait qu'il se donnât en représentation. C'était ainsi qu'il suivait la rue Blanche, la chaussée d'Antin, et arrivait sur le boulevard en jetant autour de lui des regards de plus en plus vainqueurs. Là, il prenait évidemment possession de son domaine. Il était chez lui, dans son monde. De temps en temps, il échangeait un salut de la main avec des passants qui le croisaient ou qui sortaient des grands restaurants. Toutes ces personnes avaient belle tournure. Aucune ne s'arrêtait pour lui parler. Au contraire, toutes semblaient vouloir l'éviter comme si elles avaient peur de lui. Arrivé à la rue de Rouault, il entrait dans une maison au-dessus de laquelle on lisait « Crédit financier ». Il en ressortait presque aussitôt avec des lettres à la main qu'il lisait tout en marchant. C'était là, évidemment, qu'il se faisait adresser sa correspondance. Il suivait les boulevards jusqu'à la Madeleine et par les Champs-Élysées gagnait le bois de Boulogne. Que faisait-il dans ses promenades? Où mangeait-il? Ce n'est pas un métier de se promener, ni un plaisir quand on se promène tous les jours. On était arrivé à se dire qu'il pouvait bien être de la police. Et après l'avoir dit comme une supposition en l'air qui ne s'appuyait pas sur grand-chose, on avait fini par le répéter sérieusement et le croire. Cela avait rendu les voisins circonspects à son égard. On n'aime pas le contact de ces gens-là. Qui sait ce qui peut arriver? Même quand on n'a rien à leur cacher, on en a peur. Ça avait été un nouveau sujet de conversation. On s'était soupçonnés les uns les autres. Et par cela seul qu'il était suspect, tout le monde était devenu suspect autour de lui. Défions-nous. Et l'on se défiait, sans savoir pourquoi ni de quoi.